j'avais 3 jours devant moi, je dis, tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, où est la mer? Il me dit, la mer, elle est démontée. Ah ben, j'ai voulu la remonter quand? Il me dit, c'est une question de temps. Je dis, moi, je suis ici pour 3 jours. Il me dit, en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Je dis, le pont? Merci, je vais attendre demain. Alors le lendemain, je demande, où est le pont? Il me dit, le pont, quel pont? Ben, j'ai le pont, quoi. Il me dit, il n'y a pas de pont. Je dis, comment, il n'y a pas de pont? Il me dit, non, il y en avait un, mais on l'a démonté. Comment, j'ai vous démonté tout ici, alors? Il me dit, c'est la guerre. Ben, je dis, vous la remontez quand? Il me dit, tous les 20 ans. Je dis, moi, je suis ici pour 3 jours. Il me dit, en 3 jours, vous avez des chances. Je dis, bon, je vais attendre demain. Alors, le lendemain, je me dis tout de même, avant de partir, faut que je me débrouille pour voir la mer. Je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, je voudrais voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est la fête. Ah, je dis, c'est la fête? Il me dit, oui, alors on fait le pont. Oh, ben, j'ai dit, si vous refaites le pont, je vais pouvoir voir la mer. Il me dit, non, parce qu'il y a le feu d'artifice. Ben, j'ai le feu d'artifice, je le verrai de la mer. Il me dit, vous le verrez mieux de votre chambre. Mais je dis, ma chambre, elle donne pas sur la mer. Et bien, il me dit, le feu d'artifice non plus. Mais je dis, je m'en fous, moi, de votre feu d'artifice. Je veux voir la mer. Il me dit, c'est pas possible, pas possible. Je lui dis, comment, comment? Il me dit, non, parce qu'il y a les gradins. Je lui dis, quels gradins? Il me dit, ils ont mis des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Je lui dis, ils ont mis des gradins. Ils ont mis des gradins. Alors moi, je viens de Paris, je prends le train, je me donne du mal, tout ça. Oh, il me dit, pleure pas, tu la reverras, ta mère. Et moi, je dis, je veux la voir tout de suite. Il me dit, c'est pas possible. Alors je lui dis, les gradins, vous les démontez quand? Il me dit, quand la mer sera remontée. Et ben, je dis, vous la remontez quand, la mer? Il me dit, quand vous serez partis.